four, three, two, one. Lift off. Une fois n'est pas coutume, le 10 avril dernier, les médias du monde entier se sont fait l'écho d'une découverte astronomique extraordinaire, assortie d'une image qui a fait le tour du monde. I never believed that this black hole. Je n'ai jamais cru que ce trou noir était aussi grand que les gens voulaient le dire, jusqu'à ce que nous puissions voir ceci. Voici the nucleus la of the galaxy galaxie M87. And this is the first ever image of a black hole. C'est la première image d'un trou noir. Un œil noir couronné d'un anneau de lumière jaune-orangé, flou et asymétrique. A priori, rien d'extraordinaire, sauf qu'il s'agissait de l'une des choses les plus fascinantes qu'il vous sera peut-être jamais donné de contempler. Pour la première fois de l'histoire, vous aviez devant les yeux le portrait télescopique d'un trou noir. Pas une simulation, ni une vue d'artiste, mais un objet bien réel, situé au cœur de la galaxie Messier 87, à 50 millions d'années-lumière. Fruit d'une observation simultanée, par 8 radiotélescopes répartis sur toute la planète, dans le cadre d'une collaboration internationale qui a mobilisé plus de 200 chercheurs, le résultat était si exceptionnel qu'il a fait l'objet de 6 conférences de presse coordonnées dans le monde entier. Voir un trou noir a tout d'un oxymore, si l'on se souvient que le trou noir est par définition même un astre parfaitement invisible. Alors je rappelle, les trous noirs sont ces déchirures de l'espace-temps qui se forment lorsque des objets célestes massifs s'effondrent sous leur propre poids, créant des puits de gravité si forts qu'ils emprisonnent la matière et la lumière passant à proximité. La limite au-delà de laquelle tout reste piégé sans espoir de retour est une sphère immatérielle d'un noir absolu appelée « horizon des événements ». Elle ne peut se voir que par contraste sur un fond lumineux. Or, les théoriciens espéraient que le gaz chaud qui s'enroule autour d'un trou noir juste avant d'être avalé fournisse un écran naturel sur lequel se dessine sa silhouette. Pari réussi après des décennies de travaux théoriques et expérimentaux. J'ai moi-même consacré plus de 30 années de recherche à étudier les propriétés physiques de ces astres extravagants. J'ai calculé les phénomènes lumineux très particuliers qu'ils induisent sur leur environnement et qui peuvent fournir une preuve indirecte de leur existence. Lorsqu'ils ingurgitent de grandes quantités de matière gazeuse ou même brisent des étoiles entières par leur force de marée, les trous noirs émettent en effet des rayonnements extrêmement puissants parmi les plus énergétiques de l'univers. De fait, la chasse aux trous noirs a commencé lorsque les premiers télescopes à rayons X ont été embarqués dans l'espace et ont détecté des bouffées de rayonnement de haute énergie prévues par les modèles. Le premier trou noir à avoir été identifié comme tel, nommé Cygnus X1, a été découvert en 1971 par le télescope spatial Uhuru. Par la suite, toute une batterie de télescopes spatiaux les ont traqués. On a découvert de nombreux candidats trous noirs stellaires de notre galaxie. Le télescope spatial Hubble et l'instrument à rayons X Chandra ont débusqué les trous noirs supermassifs situés au centre de galaxies plus lointaines. Oui, car il existe au moins deux sortes de trous noirs, les stellaires et les supermassifs. Les premiers résultent de l'effondrement d'étoiles massives sur elles-mêmes. Ils ne dépassent pas quelques dizaines de fois la masse de notre Soleil, leur diamètre mesure à peine 100 km, et les plus proches de nous sont à des milliers d'années-lumière, ce qui rend leur image totalement hors d'atteinte de tout télescope. Les trous noirs supermassifs sont beaucoup plus lourds, plusieurs millions à plusieurs milliards de fois la masse de notre étoile. On en trouve un au cœur de toutes les galaxies de taille respectable. C'est le cas du trou noir Messier 87, qui vient d'être photographié. Avec ses 6 milliards de masses solaires et ses 40 milliards de kilomètres de diamètre, il a beau être loin, sa silhouette vient juste d'être captée par nos instruments. Et son image ressemble étonnamment à la toute première simulation d'ordinateur que j'avais moi-même effectuée 40 ans auparavant à partir des équations de la relativité générale. Comme quoi, une prédiction théorique bien faite peut précéder de beaucoup la preuve expérimentale. Un autre de mes sujets de recherche favoris est le fameux Big Bang. Rendez-vous demain. Voilà, les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert.